you know when he'll be home? No idea. Okay, thanks a lot. Bye-bye. さあ、深く呼吸をしてください。 Don't slip. Participation à une nouvelle culture radiophonique. Le nouvel art radiophonique sera fondé premièrement sur le parasite. Salut à tous, salut Alex. Salut Cédric. Bienvenue dans le Beau Bizarre pour une émission ce soir qu'on a décidé de consacrer aux voix, mais aux voix hors normes, c'est-à-dire aux voix vraiment les plus marquantes de l'histoire de la musique. Disons des 60 dernières années hein, à peu près. Posera quand même un parcours assez éclectique avec du classique mais aussi du beaucoup plus inattendu, Alex. Oui, absolument. Il y aura des musiques un petit peu rituelles, voilà. Des transformations de voix. Mais on va démarrer avec, comme tu le disais, deux grands classiques oui. De la voix dans tout ce qu'elle a de plus... plus lyrique et beau. Et c'est vrai qu'on ne pouvait pas ne pas faire sans, parce que c'est quand même deux artistes qu'on aime beaucoup, notamment le King, puisqu'on va commencer par lui. Hein. Ouais. Elvis Presley, que j'ai choisi pour la suavité qui est à la limite de l'inhumain de sa voix, qui, surtout à cette époque-là, puisque le morceau date du début des années 60. Et vous noterez d'ailleurs le final de ce morceau qui sera sur le mode ténor et qui laisse entendre l'incroyable plasticité de l'organe magique de Presley. A noter que le morceau donc There's Always Me qu'on peut trouver sur l'album Something for Everybody, ce morceau donc a été écrit, composé par le pianiste Don Robertson. Voici pour commencer cette émission There's Always Me de Elvis Presley. And you're wondering who to call for a little company. There's always me. If your great romance should end and you're lonesome for a friend, darling, you'd need never be. There's always me. I don't seem to mind somehow playing second fiddle now. When that day is here, within my arms you'll come to know other loves may come and go, but my love for you will be eternal. Thank you. just rags and old iron. I heard an old rag man out making his rounds. He came right to my alley, Lord, with sorrowful sounds, crying rag old iron and pulling his cart, asking how much he'd give me for my broken heart. Rag old iron, rags old iron, all he was buying was rags and old iron. So I asked that old rag man how much he would pay for a heart that was broken, baby, when you went away. For a burnout old love light that no longer beams, and a couple of slightly used second-hand dreams. Rang old iron, oh, rags old iron, all he was buying was rags and old iron. Whatever he'd offer, I'd happily take, for those big empty promises you used to make, for those memories of you that are no longer sweet. I wish he could haul them off down the street. Buying was just rags and old iron. When a love doesn't last, tell me how much is it worth? It was once my most precious possession on earth. When I asked that old rag man, he'd like to buy, he just shook his head and continued to cry. Rags old iron, rags old iron, all he was buying was just rags and old iron. Rags old iron, rags old iron. La voix envoûtante de Nina Simone sur cette complainte composée par un certain Oscar Brown, poète et auteur dramaturge. La voix de Nina Simone qui est l'une des plus hypersensibles que j'ai pu entendre. Elle exprime magnifiquement la sensibilité à fleur de peau de celle qui avait choisi pour pseudonyme Casque d'Or, Simone Signoret. C'est un hommage à, en fait, Simone Signoret, son nom. Petite anecdote au passage. On va enchaîner avec quelqu'un qui a beaucoup écouté, à mon avis, Nina Simone. En tout cas, il semblerait que ce soit quand même une influence évidente. Il s'agit d'Anthony and the Johnsons. Donc là, on est aussi dans une performance vocale assez inouïe, hein, très proche de parfois des performances vocales des castrats. Elle aussi, cette voix, elle emporte loin l'auditeur, hein, comme pouvait le faire donc Nina Simone. Et si vous voulez en savoir un peu plus d'ailleurs sur celle-ci, sur la voix donc de Anthony, je vous invite à lire le bouquin La voix d'Anthony, qui mêle biographie et analyse. C'est un livre qui est sorti il y a à peu près un an aux éditions Le Mot et le Reste. Et effectivement, on apprend beaucoup de choses sur le garçon.

c'était les Tiger Lilies avec le titre Paul Bearers. Alors les Tiger Lilies, c'est un trio londonien formé par Martin Jack, ce chanteur à la voix si particulière, en termes lyriques on dirait voix de falsetto, de voix de fossé. Leur musique, comme vous avez sans doute pu l'entendre, se situe un petit peu quelque part entre Tom Waits, l'univers des films de Todd Browning, on pense beaucoup à Freaks évidemment, cabaret brechtien, burlesque. À noter que les Tiger Lilies, si vous désirez aller les découvrir sur scène, vont passer pour une série de concerts du 27 au 30 mars au cabaret du Chez à 7 pour une création qui s'appelle Rime of the Ancient Mariner. Création en collaboration avec le vidéaste américain Mark Holthusen. On va essayer d'aller voir un de ses concerts et de vous en reparler très bientôt. Et je crois qu'on va rester en Angleterre, Cédric, avec un artiste aussi là, très marquant. Oui, en Angleterre avec Robert Wyatt, qui lui a une voix, alors si pareil, s'il fallait la réduire entre guillemets au registre technique, on dirait que c'est une voix de haute contre, en tout cas elle est assez proche de la haute contre, une voix aussi très émouvante et totalement reconnaissable. Un exemple avec le morceau You You, sorti sur l'album Comic Opera, c'était sur le label Domino en 2007. Voici le grand Robert Wyatt, You You. Fading away. pas une petite affaire. Demain qu'on monte plein de petits cafards qui feront leurs petites affaires et saliront tous les placards. Ce n'est pas une petite affaire de mettre au monde de petits cafards qui, clopinant vers la lumière, sortiront la tristesse du noir. Ce n'est pas une petite affaire de mettre au monde plein de petits cafards qui prendront le train pour s'y taire et rentreront dormir le soir. Ce n'est pas une petite affaire de mettre au monde plein de petits cafards qui feront leurs petites affaires et ne seront pas cités par l'histoire. Au moins, ils n'auront pas fait de guerre, il serait cruel de leur en vouloir. Gedalia Tazartes, premier morceau de l'album Transport. Gedalia Tazartes, qui est un bien saint musicien français qui n'est pas né de la dernière pluie, puisqu'il est né en 1947, il est plutôt jeune. Une musique inclassable, instinctive et d'une très grande liberté. Il a publié peu de disques et n'a donné que de rares concerts. On a eu la chance avec Alexandre de le voir il y a à peu près deux ans maintenant, deux ans je crois, au Thor, au festival Gare aux Oreilles. Gare aux Oreilles, un très beau moment d'ailleurs. Ouais. Que dire, c'est un poète, vraiment, ouais, musique poétique, très poétique, manipulateur de bandes Revox, très inspiré. Créateur de langue imaginaire. Exactement, un couleur de son, et une voix très particulière qu'il utilise avec beaucoup d'inspiration et qui... Oui, qui rapporte aussi sa musique, un peu qui rapproche sa musique de la poésie sonore, tout simplement. Un grand artiste français, plus que français d'ailleurs, des dernières décennies, et un des plus méconnus. Quelqu'un de singulier, vraiment à suivre. Chacune de ses productions a vraiment le plus grand intérêt. Et c'est vrai que c'est pas évident de le suivre d'ailleurs, parce que bon, d'abord, ils sont pas tant de choses que ça, et c'est souvent sorti en catimini. Oui, sur des labels confidentiels. Alors Alex, je crois qu'on enchaîne avec quelque chose d'ailleurs qui se rapproche de Gedalia Tazartes, parce que chez Gedalia il y a beaucoup de musique rituelle, même si là on s'en est peut-être pas trop rendu compte, mais par ailleurs dans d'autres morceaux on se rend bien compte que le garçon a vraiment été marqué par de multiples chants du monde entier. Voilà, que c'est une musique traditionnelle ou rituelle, et donc occasion d'enchaîner avec une formation russe composée de 5 chanteurs et musiciens qui se sont passionné pour les recherches en musico-ethnologie et plus particulièrement sur les musiques rituelles tibétaines. Alors, la plupart des morceaux sont des morceaux de chant liturgique avec une voix gutturale très spécifique à ce chant tibétain. À préciser que le titre qu'on va écouter, qui s'appelle Puja Offering and Praises, était sorti au départ en 2008 sur le label Skettis et vient d'être réédité par Stéphane O'Malley, qui dirige maintenant un label qui est une sous-division du label Mego, qui s'appelle Ideological Organ. Donc l'album vient d'être réédité en double vinyle uniquement, pas de CD pour l'instant. Et voici ce que dit Stéphane O'Malley de Furpa. Une écoute méditative révélant pas mal d'illusions fantomatiques et revigorant les évolutions et possibilités soniques. Thank you. Ah oui, ça se termine très très cut. Bon, ça s'écoute dans la continuité. Il s'agit de Soviet France, un extrait de Garista, leur premier album en 1982, un titre qui parle de lui-même, Mama Peace, où l'on retrouve les voix primitives, des voix un petit peu d'avant le langage de Ben Ponton, Robin Storey et Peter Jensen, qui étaient à l'époque les trois membres de Soviet France. Bon, après ça a évolué, le line-up a évolué. Donc là, on a des voix qui jouent évidemment un rôle très important dans l'impression de forte bizarrerie, et c'est un euphémisme que procure ce premier album de Soviet France, qui est vraiment à des années-lumière de la production musicale de son époque, c'est-à-dire 1982. Ah, absolument. Là, on est vraiment dans la musique des ovnis, quoi, en fait. Hein. C'est une musique qui sort complètement de l'ordinaire. Avec ici des samples vocaux, alors pas sur ce morceau, parce que là c'est juste des voix qui sont celles des membres du groupe, mais on peut retrouver dans d'autres morceaux des samples vocaux souvent distordus, qui participent à la création de puissants effets proches de l'hypnose, comme ce groupe a eu le mérite d'en faire effectivement durant toute sa carrière, qui d'ailleurs je crois Alex n'est pas terminé, parce qu'il y a des disques de Soviet France qui sortent, qui sont d'ailleurs plutôt très très bons, qui mais sont dans un, toujours une veine beaucoup plus numérique. C'est plus numérique effectivement, et puis en fait il existe deux Soviet France maintenant, ouais, c'est ça. Puisque Robin Storey, qui est parti du groupe pour fonder Rapoon, a reformé un Soviet France qui s'appelle The Reformed Faction. Voilà. Et d'accord. Voilà. Eh bien, écoute, on va quand même. Je pense que ça sera pas le morceau de fin, mais on s'approche de la fin et on pouvait pas quand même ne pas passer un morceau de John Zorn, pas pour John Zorn pour cette émission, mais pour Mike Patton évidemment, le grand Mike Patton. Juste pour préciser avant que vous écoutiez, que vous subissiez l'acte 3 de Astronome, que les aigus que vous allez entendre sont réalisés sans effet. Ce que confirment d'ailleurs les gens qui ont eu la chance d'écouter Mike Patton jouer, chanter en live. Hein. C'est quelqu'un qui chante sans pédale, qui déformerait sa voix. C'est ça qui est assez phénoménal finalement quand on entend le résultat. Je préciserai juste qu'Astronome donc est sorti sur le label de Zorn, hein, évidemment, Tzadik, c'était en 2006. Et bon, on pourrait dénommer cette musique une sorte de mélange de jazz et de hardcore, donc on pourrait dire que c'est du jazzcore. Voilà, jazzcore, ça serait exactement. Peut-être le mot le plus simple pour définir. De toute façon, ce qui est très très loin en fait d'être très très loin du définissable en fait. Hein. Finalement, c'est tellement original que ça dépasse une appellation quelconque. En tout cas, voici Mike Patton avec donc à la batterie Joey Barone et à la basse. Ça doit Trevor être Dunn. Trevor Dunn, exactement. C'est un trio fabuleux. Thank you. S'agissait de Mike Patton au chant. Et c'est donc sur ce titre que nous allons nous quitter. Et en vous annonçant pour la semaine prochaine une émission un petit peu particulière. Il s'agira d'un mix électro-techno, un petit peu de shoegaze aussi. N'oubliez pas que vous pouvez aller sur le www.lebeaubizarre.blogspot.com pour y retrouver les playlists des émissions ainsi que les podcasts. Voilà, on vous souhaite une bonne fin de soirée et à la semaine prochaine. Bien sûr, les auditeurs n'existent pas. C'est une illusion collective, comme Dieu quand il était à la mode. I'm a toilet with no seat. Flushing tradition down. I'm an army on holiday in a guillotine museum. I'm a sentimental song. Je vous en prie, Alexandre, je joue pas la comédie, mais qu'est-ce que vous croyez? So is my